qu'on soit meilleur qu'hier. Le couteau et la plaie. Et je vois que ça plaît. Qu'on soit meilleur qu'hier. Le couteau et la plaie. Un jour de plus, faut qu'on soit meilleur qu'hier. J'ai fait trop tôt de l'argent, c'est normal que j'en ai beaucoup gaspillé. J'suis pas bien sans mes prières, j'ai pas envie de les écouter. Ils vont vouloir me faire douter, parce qu'on est trop redouté. J'suis le couteau et la plaie, j'fais du sale et j'vois que ça plaît. J'suis le couteau et la plaie, gros j'suis la cage et la clé. Y'a un avant après, j'espère qu'après y'aura que de l'avant. On fait des lovés, on vieillit. Tu m'en visiteras des pays. La rue, je la connais, fait partie de ma vie. La rue, c'est devenu un membre de la famille. Toujours eu des prix, des affaires. Maman m'a toujours appris de me mêler de mes affaires. La rue, je la connais, fait partie de ma vie. La rue, c'est devenu un membre de la famille. Toujours eu des prix, des affaires. Maman m'a toujours appris de me mêler de mes affaires. J'ai plus trop de sentiments. Fais voir comment c'est noir. Ils veulent tous goûter cette vie là. Ils veulent tous goûter cette vie là. J'ai plus trop de sentiments. J'ai plus trop de sentiments. J'ai plus trop de sentiments. Je me reconnais plus devant le miroir. J'ai plus trop de sentiments. Fais voir comment c'est noir. Ils veulent tous goûter cette vie là. Non, faut pas que je m'égare. Rien que je me fais mal à la tête. J'ai donné tort à la recherche de la paix. Mon pire ennemi c'est le temps. Crois même pas que c'est toi. J'ai plus de sentiments. C'est plus le même devant le miroir. Ils ont voulu tester ma folie. J'arrive à 2 mètres dans le volet. Crapuleux, on te soulève dans ton lit. Mon éduqué, on est volé. J'ai foi en Dieu, on est croyant. Route de galère, y'a que des voyants. Elle me fait un sourire quand je suis galant. Faut toujours travailler son talent. Ils ont voulu tester ma folie. J'arrive à 2 mètres dans le volet. On va venir te lever dans ton lit. On est éduqué, on est polé. Route de galère, y'a que des voyants. Elle me fait un sourire quand je suis galant. Faut toujours travailler son talent. Trop de sentiments, viens voir comment c'est noir. Ils veulent tous goûter cette vie là. Ils veulent tous goûter cette vie là. J'ai plus trop de sentiments, viens voir comment c'est noir. Ils veulent tous goûter cette vie là. Et je me reconnais plus devant le miroir. J'ai plus trop de sentiments, j'ai plus trop de sentiments, j'ai plus trop de sentiments. Je me reconnais plus devant le miroir. J'ai plus trop de sentiments, viens voir comment c'est noir. Ils veulent tous goûter cette vie là. Goûter cette vie, viens voir comment c'est noir, viens voir comment c'est noir, viens voir comment c'est noir, ils veulent tous goûter cette vie là, ils veulent tous goûter cette vie là.